Il est 12h30 à l'écoute du 89.1. Bonjour, voici ce que l'on surveille aujourd'hui dans l'actualité. Les députés libéraux qui refusent une nouvelle fois d'entendre leur ancien collègue Jacques Daou en commission parlementaire, péquistes, caquistes et solidaires continuent de réclamer le témoignage de l'ancien ministre pour faire la lumière sur la vente de Rona. Mais les députés libéraux sont majoritaires dans la commission parlementaire, ils s'y opposent. Il y a quelques semaines, l'ancien chef de cabinet Jacques Daou, l'ancien chef de cabinet du ministre qui a estimé que ce dernier était bel et bien au courant, contredisant ainsi la version des faits du ministre Daou, qui a, rappelons-le, démissionné à la mi-août, qui a toujours maintenu la même version, à savoir qu'on ne l'a jamais informé des intentions d'investissement en Québec. Et un nouveau radar photo a fait son apparition sur le boulevard Charest, à l'angle de l'avenue Saint-Sacrement. L'appareil surveillera à la fois la vitesse et le respect des feux rouges. La limite de vitesse passe de 70 à 50 km/h dans ce secteur, mais les automobilistes sont nombreux à pas ne la respecter, cette limite-là, que ce soit à l'approche ou à la sortie de l'autoroute Charest. Quelques 185 accidents ont été comptabilisés à cet endroit entre 2008 et 2012, un secteur où 25 000 véhicules transitent quotidiennement. Mentionnons que le radar est installé, mais n'entrera en fonction que plus tard, à l'automne. Des chauffeurs de taxi vont manifester à 14 heures cet après-midi devant le palais de justice de Québec en appui à leurs collègues de Montréal, puisque c'est dans la métropole qu'à la même heure, le Front commun du taxi va déposer une demande d'injonction contre le gouvernement du Québec, le Front qui conteste vigoureusement cette entente intervenue la semaine dernière entre le gouvernement et la compagnie Uber. Enfin, scène internationale, Donald Trump serait en excellente santé s'il faut en croire son dernier bulletin médical. C'est toujours le même médecin, celui même qui, en 2015, avait écrit maladroitement que M. Trump ferait le président avec la meilleure santé de l'histoire. À 236 livres, le candidat républicain est toutefois considéré comme faisant de l'obésité modérée. La nouvelle a de quoi faire sourire. Pourtant, l'état de santé des candidats est devenu le principal enjeu ces derniers jours dans les présidentielles américaines, prenant le dessus même sur l'économie et l'immigration, et ce depuis le malaise d'Hillary Clinton dimanche dernier. Voilà pour CKRL. C'était Dominique Lelièvre et les informations.